Chapitre 25. 2164, année Upléenne. Dans le vaisseau mère, même si tout le monde avait l'esprit à fêter la victoire contre les mercenaires, la planète Nikéas, elle, n'était pas conquise. Alors les réjouissances attendraient. Contrairement aux esclaves du continent Uto, où les Nikéens avaient dû être relogés, les villageois disposaient déjà de leur foyer, et c'était seulement d'une aide médicale dont ils avaient besoin, pour soigner aussi bien les anciens otages que les résistants qui avaient attaqué les mercenaires. Les Nikéens des villages libérés, au compte-gouttes, retrouvèrent la terre ferme et leurs familles après quelques semaines ou mois passés en orbite. Et qu'en était-il du continent Oedz? Ormaïn avait tenu zélé informé de tous les détails de chaque avancée à la sortie de toutes les réunions. Et c'était par sa bouche que l'héritière adressait ses questions au décisionnaire Gisor. Pendant que les troupes robots défendaient les résistants et villageois, qui se rebellaient contre leurs oppresseurs, quelques unités avaient été envoyées en repérage sur le continent Oedz, puisque d'après les constatations de Zélé, l'exploitation des Bolbolco semblait entièrement automatisée. Sur place, les unités n'avaient trouvé aucune trace d'aucun mercenaire, et avaient constaté que les Bolbolco n'étaient présents que dans la région des plaines, au nord-est du continent. Les automates de traite, de liquide amniotique, avaient été mis hors d'usage, après quoi, une dizaine de Bolbolco avaient été transportés à bord du vaisseau mère pour étudier une manière de désactiver l'électrode fixée à leur cerveau, pour leur rendre tous leurs moyens. Et non plus qu'ils agissent comme des zombies, sans mettre leur vie en péril. Les Bolbolco à bord, toujours implantés, ne se rendaient même pas compte de leur changement d'habitat, mais en tenaient à cœur de leur apporter toute l'attention nécessaire. Ils étaient scannés sous toutes les coutures, et les rares prélèvements faits étaient indolores et sans effet sur leur organisme. Seul Ormaïn avait le droit d'accéder à la zone du vaisseau où les Bolbolco résidaient. Zélé, au travers de l'implant de son compagnon, ne pouvait que constater l'état lamentable de ces créatures dépossédées de leur être. Au moment où la situation sur le continent Ayo prenait une autre tournure avec le soulèvement des Nikéens, la stratégie d'approche en NRFE, le continent nord-est non asservi, avait dû être abordée. Le début du carnet de Xenia avait été scrupuleusement analysé pour en tirer tous les indices disponibles. Ormaïn avait dénoté immédiatement les différences de culture entre sa région et les mœurs décrites, ou encore les points communs avec la culture upléenne, et avait apporté de nombreuses propositions judicieuses. Zélé, banni de la réunion, avait été conviée en dernier recours comme consultante pour valider la stratégie mise au point. Elle n'avait plus qu'applaudir les déductions d'Ormaïn et apporter de petites suggestions. L'idée principale était de ne pas arriver en masse, qu'aucune troupe armée intimidante n'approche des habitations afin de n'effrayer personne et de ne pas donner de fausses impressions. Le contact seul devait être établi. Il était préférable que, dans un premier temps, les rencontres fussent des plus familières, en présence de Nifiens à la peau bleue et parlant la même langue. Le problème était que l'univers ne comptait que deux Nifiens à la peau bleue, parlant la même langue, à savoir l'Upléen, Zélé et Zoku. Ormaïn comprenait uniquement l'Upléen par son implant, et aucun des habitants de NRFE n'était implanté. L'avancée sur le terrain demandait bien plus que deux émissaires, et c'était alors qu'un second appel à l'aide avait été lancé à la reine Zeninouma. Tout comme l'héritière lui avait réclamé l'envoi de personnel médical, il lui avait été demandé cette fois-ci de recruter des centaines d'artistes, musiciens et dessinateurs en priorité, qui camperaient au sud de l'Uto, loin des anciens élevages. Pendant le temps de la libération de l'Ayo, leur peau, soumise à ce climat favorable, ne manquerait pas de bleuir et de s'humidifier. Au final, les artistes upléens, volontaires, eurent 6 mois pour voir s'amorcer leur mutation en Nikéens. Au départ du Pléas, et alors qu'ils avaient signé une clause de confidentialité, tous les détails leur avaient été exposés. La situation de Nikéas, le but de leur intervention, et les changements physiques qui allaient survenir. Quelques-uns s'étaient montrés très inquiets et avaient plus envie de faire demi-tour que de continuer. Mais les autres étaient intrigués de voir leur corps se métamorphoser et curieux de découvrir ce nouveau monde. Tout autour du continent Enrefe, loin des habitations, les groupes d'émissaires débarquèrent de vaisseaux qui repartirent aussitôt. On comptait 12 dupléens par groupe, accompagnés de 2 soldats de l'OMPC, représentant des espèces originaires de planètes membres, et 1 nupléen à la peau verte. Les soldats étaient munis d'armes paralysantes pour Nifiens, qui ne devaient être utilisées qu'en cas d'assaut de la part des habitants. À son grand désarroi, Zélé ne faisait partie d'aucun groupe lors du débarquement, car sa mission n'était pas là. Elle et Ormaïn étaient attendues sur Upléas pour faire l'annonce officielle qui révélerait enfin au peuple upléen la nature de la planète voisine. Dans la capitale Zélaïdo, la foule s'entassait sur la grande place de la reine. L'héritière allait y prononcer un discours, ce qui n'arrivait jamais hors des festivités de fin d'année. Observant tout ce monde amassé, Ormaïn devenait nerveux. Je me rappelle de tout ça comme si c'était hier. Et j'étais bien content que tu sois la seule à parler. J'avais peur que tu me dises que Zoku faisait une déclaration et que je devais l'imiter, confia Ormaïn. Zélé, près de lui, au visage maquillé de vert et dont l'implant renvoyait d'elle une peau verte et sèche pour que ses concitoyens la reconnussent, lors de son apparition, n'avait pas à chercher bien loin pour trouver des mots réconfortants. Allons, Ormaïn. Je pensais que tu étais devenu un expert de la prise de parole en public. Ton discours devant le cercle était parfait, et tu craindrais une foule de citoyens ? Le rassura Zélé. Ma chère Zélé, c'est toi-même qui m'as dit que nous étions tous égaux, mâles et femelles, représentants et citoyens. Alors je dois autant appréhender cette situation que l'autre, répondit Ormaïn. Garlog, moi qui espérais que tu avais tout oublié au sujet de mes boniments sur l'égalité des êtres, se plaignit Zélé. Si c'était ta mère qui m'avait parlé d'égalité, je peux t'assurer que j'aurais bien cru à des boniments de sa part. Mais de toi, aucune chance, la taquina Ormaïn. Pauvre de moi. Alors cela veut-il dire que je ne peux plus te mentir et que tu lis en moi comme dans un livre ouvert, demanda Zélé. J'en ai bien peur, princesse, sauf si tu mens par omission. Au fait, avec tous les Upléens envoyés sur Nikéas, y en a-t-il encore qui ne sont pas au courant ? Demanda Ormaïn. Tu peux être sûr qu'en tant que bons et loyaux citoyens, ils ont gardé le secret, et par rapport à la population globale, ils ne sont pas si nombreux à être partis, répondit Zélé. Oui, après les infirmiers, les artistes, dit Ormaïn. À chaque domaine, c'est spécialiste, mon ami, conclut Zélé. Alors qu'ils patientaient encore un peu en coulisses, surveillant l'heure exacte pour faire leur apparition, Zeninouma arriva dans leur dos. Mère Zeninouma, que faites-vous ici? On pourrait apprendre que vous êtes dans les coulisses, s'exclama Zélé. Fille Zélé, je ne serai pas dans les coulisses, je serai sur la tribune, à côté de toi. Mère Zeninouma, est-ce raisonnable, avec pareille révélation? Nous ne savons pas comment les Upléens vont réagir. Fille Zélé, sous ce simple prétexte, je ne devrais pas affronter leurs regards. Au contraire, j'ai fui suffisamment longtemps mes responsabilités. Que Viel me lynche, si Viel la souhaite. C'était le trac qui serrait le ventre de Zélé quelques minutes auparavant. Désormais, c'était la peur de voir sa mère huée. Au fond, elle avait hérité de ce fardeau et n'avait su qu'en faire. Qui aurait envie de pareils cadeaux empoisonnés ? Zélé aurait préféré se réjouir de la situation, voir cette couarde, subir sa punition. Mais au lieu de cela, elle tremblait pour la reine qui restait stoïque. Elle savait que si le vaisseau d'Ormeïn ne s'était jamais écrasé dans le cratère vert, rien n'aurait changé. Zeninouma n'aurait jamais levé un doigt pour aider Nikéas. Pourtant, sa boule au ventre provenait de la compassion qu'elle éprouvait pour sa mère. Ô combien digne dans cette épreuve! Il n'y avait pas d'excuse à son silence. Elle subirait la justice et Zélé ne s'y opposerait jamais. Seulement, elle ne pouvait pas y être indifférente. L'heure était venue. Le rideau s'entr'ouvrit automatiquement et avant de s'avancer, Zélé serra Zeninouma dans ses bras. L'accueil de la reine et de la princesse fut extatique. Le bruit était un mélange confus d'applaudissements, d'ovations, de cris et de chants. Ormaïn, un peu en retrait, n'était pas remarqué, ou s'il l'était, ne semait pas assez de troubles pour amoindrir les acclamations. Zélé leva la main pour faire retomber l'agitation et prit la parole. Peuple pléen, quelle joie de vous retrouver toutes ici réunies. Merci de vous être rassemblés en ce jour, que pour le moment rien ne caractérise. Et pourtant retenez cette date, retenez cet instant, car notre histoire ne sera plus jamais la même après le discours que vous allez entendre. Zélé marqua une pause pour inspirer et expirer à fond. Cette pause fut ponctuée de quelques applaudissements dubitatifs. Peuple pléen, nous n'avons que pour seule morale la justice, le respect des autres, qui se traduit par les laisser vivre et leur venir en aide quand ils en ont besoin, quel que soit leur âge, leur sexe ou leur espèce. C'est parce que nous répondions à ces critères stricts qu'Upléas a été intégré aux comètes. Voici déjà plus de 2 millénaires. Zélaïdo, notre grande reine Zélaïdo, a contribué, plus que quiconque, à faire de nous ce que nous sommes. Le nom de la reine fondatrice fut repris maintes fois dans la foule via des « Gloire à Zélaïdo » ou « Zélaïdo, notre sauveuse ». Zélé laissa s'écouler un temps pour qu'ils terminassent d'exprimer leur admiration pour la première reine upléenne. Peuple upléen, la planète Nikéas, celle-là même qui est notre voisine, est habitée. À vrai dire, elle est le berceau des êtres nifiens et des êtres bolbolco. Zélé leur raconta ce qu'elle avait révélé au cercle, il y avait plus d'un an déjà. Ces mots, cependant, s'adaptaient à l'auditoire. Au contraire des membres du comète qui ne pouvaient se sentir concernés par l'abandon d'une grande partie de la population nikéenne du temps du roi Kouaïdo, les Upléens se sentiraient forcément liés à eux, puisqu'ils étaient leurs descendants. Après le récit de leur passé peu glorieux, l'héritière enchaîna sans tarder sur un compte rendu des actions menées et de leur avancement. Elle ne voulait pas que des contestations, des huées en direction de Zeninouma aient le temps de s'élever. Elle parla des forces de l'OMPC, qui apportaient leur technologie, mais surtout des braves Nikéens qui s'étaient soulevés, au risque de leur vie, ouvrant la voie de la victoire, et des Upléens secrètement envoyés sur place. Ceux qui avaient gardé par leurs soins et leur patience les Nikéens qui n'avaient jamais vu la lumière du jour, et ceux dernièrement arrivés, qui marchaient en ce moment même à la rencontre d'un peuple libre mais reclus. Elle ne put parler, à contre-cœur, des Bolbolco. Elle n'était pas censée savoir. Elle indiqua seulement qu'une patrouille robotique explorait le dernier continent. Enfin, elle exposa les conditions posées par le comète pour l'aide fournie, qu'Upléas n'en serait plus membre et qu'ils devraient quitter leur planète pour Nikéas. Malgré toutes les révélations précédentes, accompagnées de projections sur un grand écran géant derrière elle, des camps, des élevages, des forteresses et des mercenaires, ce fut davantage le fait de devoir aller vivre là-bas qui surprit la foule. Zélé parla des mois passés sur place, qui avaient modifié son aspect et qu'elle allait apparaître devant leurs yeux sous l'aspect que tout Nifien devrait avoir. Elle désactiva le camouflage de son implant et essuya le maquillage de son visage. Plusieurs minutes s'écoulèrent, la foule s'animait. En bien, en mal, difficile à dire, pour le moment. Personne ne prêtait attention à Zeninouma. L'agitation se portait plus sur le déménagement vers Nikéas et le changement d'aspect physique. Beaucoup, touchant ou regardant leurs bras et mains, comme si leurs membres retenaient quelque pouvoir insoupçonné jusque-là. Ormaïn tenta d'intervenir, de commencer son discours pour se présenter et parler des siens. Mais personne ne l'écoutait. Tous les regards étaient détournés de la tribune. On choisit de reporter son intervention au lendemain, et ils quittèrent tous les trois rapidement la Grand Place, la Reine pour le palais, Zélé et Ormaïn pour l'oasis. Leur navette traversait le désert. Zélé aperçut derrière des dunes un troupeau de Bolbolco. Il tordit sa nuque pour vérifier si, parmi toutes ces peaux jaunes, il n'y avait pas une peau verte, s'il n'y avait pas Goba. Alors qu'elle les avait perdus de vue, la navette s'arrêta. Elle ramena son regard vers l'intérieur de l'habitacle, Ormaïn la fixait. « Nous ne sommes pas pressés. Vas-y. » lui dit-il. Zélé désactiva la conduite automatique et approcha le véhicule au plus près des Bolbolco sans les effrayer. Aucun ne se démarquait du lot par sa couleur. Elle sentit son cœur se serrer. Elle aurait tellement aimé revoir son bien-aimé Goba. C'est pour ça que je n'ai pas fait de détour en premier lieu, dit Zélé. Le mystère planerait, et c'était bien comme cela. Peut-être avions-nous croisé son troupeau, peut-être pas. Navré, répondit de Ormaïn. Ne le sois pas, Ormaïn. La proposition venait de toi, alors je me suis dit, si ça ne vient pas de moi, il pourrait en faire partie, dit Zélé. Tu es superstitieuse maintenant? S'étonna Ormaïn. Parfois, conclut Zélé. Ils entrèrent dans l'oasis, à la végétation tout autant luxuriante qu'autrefois, mais qui n'avait plus la saveur d'antan. Zélé avait conscience de la limitation des lieux, des remparts du cratère derrière lesquels s'étendait la fournaise infernale et son sol vierge. Bientôt 2 ans qu'il n'était pas venu. Rien n'avait changé, évidemment. Zélé se demanda si cette oasis n'avait pas été le contraire de ce qu'elle avait toujours imaginé. Elle avait toujours cru être libre ici, être qui elle était, sans combinaison, sans baume protecteur. Mais l'oasis n'avait-elle pas été aussi le meilleur moyen de la maintenir dans sa condition de dépendance? Son besoin d'y aller l'avait toujours empêché de partir loin, ou longtemps. Et puisqu'un endroit existait pour qu'elle s'y trouvât bien, il avait été une excellente façon de ne pas chercher à en savoir plus, de ne pas s'interroger davantage sur la raison de son étrange maladie. Ils défrichèrent l'entrée de la cabane qui avait servi de maison à Ormaïn autrefois et y rangèrent leur ceinture génératrice de halo environnemental et la première couche encombrante de leurs vêtements d'apparat. L'eau de l'étang scintillait et éclaboussait d'étoiles leurs yeux envieux. Ormaïn avait passé tout son temps, en orbite, à contempler Nikéas depuis les baies vitrées sans jamais y mettre les pieds, sans profiter d'une agréable baignade. L'eau de la piscine du vaisseau-mère était traitée. Lui séchait un peu la peau, après coup, il n'était pas respirable, trop irritante pour ses ouïes. Plutôt que de leur annoncer qu'ils allaient devenir bleus, tu aurais dû leur révéler qu'ils seraient capables de respirer sous l'eau. Ils auraient été plus enthousiastes, dit Ormaïn. Tu veux rire? Je pense que ça aurait été trop gros pour qu'ils le croient. Peut-être m'auraient-ils même interné, me jugeant inapte à gouverner, répondit Zélé. « Ton peuple pourrait faire ça à sa princesse adorée ?» s'étonna Ormaïn. Leur princesse adorée, je ne sais pas, mais leur reine doit moins l'être à l'heure qu'il est, » dit Zélé. « Tu as envie de consulter les réactions? Est-ce utile ?» demanda Ormaïn. « Non, pas vraiment utile pour le moment, alors pourquoi se gâcher la fin de journée ?» dit Zélé. Les temps les appelaient. À notre retour de Nikéas, nous nous sommes retrouvés ici, et nous avons failli nous embrasser, dit Ormaïn. Oui, la reine Swalwe, Mimisha est arrivée à temps. Quelle relation bizarre nous entretiendrions aujourd'hui, s'amusa Zélé. Zélé courut se jeter à l'eau, sans prendre la peine de retirer ses vêtements. Elle fit quelques bonds à la surface avant de voir surgir derrière Ormain une massive ombre galopante. Ormain n'eut pas le temps de se retourner, qu'il fut projeté sur le côté d'un coup de tête peu délicat, et un énorme plouf s'ensuivit. Quand les yeux d'Ormain firent la mise au point, après qu'il se fut laborieusement relevé, il vit Zélé accroché à l'encolure de Goba, se cramponnant à lui comme à une bouée de sauvetage. L'eau de l'étang ruisselait sur son visage, mais on y voyait aussi ses larmes, ses yeux rougis, les frémissements entiers de son corps qui agrippaient cette aide si chère qui lui avait tant manqué. Sa voix était secouée par les sanglots. Goba ne l'entendait pas, évidemment, il était sourd. Mais qu'importait? Elle avait besoin de lui dire combien elle l'aimait, combien elle était heureuse de le revoir, et que plus jamais elle ne l'abandonnerait. Ils dormirent dans l'oasis, Zélé lové contre Goba, entouré de ses jambes, leurs têtes se touchant. À la même heure que la veille, sur la tribune, se tenait à nouveau la reine, l'héritière et le Nikéen qui n'avait pas eu le temps de se présenter la dernière fois. La foule réunie était encore plus dense. Les gens se pressaient, les uns contre les autres, se grandissaient à la hauteur de leurs pieds tendus, tiraient le cou et levaient le menton, s'appuyaient parfois sur l'épaule d'un voisin. Les causeries et les débats étaient allés bon train. Zélé n'y avait pas prêté attention. Ça ne changerait rien. Zeninouma, elle, les avait tous écoutés, autant que possible en direct, avec toutes les divisions que son esprit était capable d'accomplir. Et le roi Idlé avait été mêlé à l'affaire. Il avait dû écouter ce que la reine n'avait pu suivre. Tous s'inquiétaient du changement forcé de planète, de la mutation physique qui les attendait. Une plus petite partie revenait sur la mystérieuse exploitation qui aurait eu cours. Et les discussions sur la responsabilité de Zeninouma dans cette histoire étaient anecdotiques, puisqu'elle ne se retrouvait que chez les opposants. Et finalement, personne ne parlait de l'héritière, ou alors simplement comme exemple de la mutation physique qu'ils subiraient tous. Zeninouma prit la parole en premier. Son effet sur le public était inchangé. Un silence religieux régna jusqu'à ce qu'elle se tût. La reine rappela sa culpabilité, et que la volonté seule de l'héritière avait permis que justice fût faite. Elle n'était pas en quête de rédemption. Elle ne cherchait pas à se flageller ou susciter la pitié. Ses mots étaient factuels. La reine ne voulait pas encore leur annoncer qu'à la libération de Nikéas, elle se retirerait. Il n'y avait pas de nécessité à en discuter, pour le moment. Zeninouma tenait à ce que chaque Upléen comprise bien toute sa responsabilité pour leur faire accepter son départ prochain, les reines ne quittant leur trône qu'à leur mort, et qu'ils vissent en Zélé une reine plus capable et digne de leur confiance. Après ce discours écouté avec la plus grande attention et le retrait de la reine qui ne fut pas accompagné d'applaudissements, une première, Ormain s'avança seul. Il parla dans sa langue natale, et les implantés purent le comprendre puisque le Nikéen était désormais catalogué sur le Rézark. Pour les éventuels non implantés, un texte traduit défilait de chaque côté de la tribune. Cher Nifien du Pléas, je me nomme Ormain. Oh, je suis un chanceux, sur bien des aspects. Je ne suis pas né dans un élevage pour être abattu et que mon corps serve de dîner. Je n'ai pas été vendu pour servir d'esclave. Dans quelle cuisine, sur une planète en développement, comme vous les nommez. Ma mère, que je ne connaîtrai jamais, a choisi de m'abandonner moi plutôt que ma sœur ou mon frère jumeau. Cela m'a permis de ne pas être une victime du système des mercenaires. Ma mère m'a abandonné pour que je sois témoin de la détresse des miens et que j'agisse en conséquence. Sans gloire, sans fierté et malgré moi, j'ai réalisé son souhait. Voici 4 ans. Que je me suis enfui de ma planète Nikéas, et que mon vaisseau en perdition s'est écrasé ici. Cet accident était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Grâce à cet événement, Nikéas va retrouver la liberté qu'elle n'aurait jamais dû perdre. Vous jugerez par vous-même en temps et en heure, quand vous viendrez vivre sur Nikéas. Mais je ne crois pas me tromper en m'adressant à vous de la part de tous les Nifiens de ma planète. Vous êtes les bienvenus. Nikea, c'est tout autant votre patrie que la nôtre. Actuellement, elle n'est que ruine, mais ensemble, je sens que nous la rendrons plus florissante qu'elle ne l'a jamais été par le passé. Cette fois-ci, l'attention du public ne fut pas déviée. Les Upléens écoutèrent Ormaïn, puis de nouveau Zélé qui redira sa présentation des opérations de pacification passées et en cours. Sans perdre plus de temps, Ormaïn et Zélé embarquèrent en direction de Nikéas dès qu'ils quittèrent la tribune. Goba, installé à bord dans un espace aussi bien aménagé que possible pour un bol-bol-coup. Zélé ne reviendrait pas sur Upléas avant que le continent Enrefe fût traversé d'ouest en est, et que tous ses habitants fussent informés de l'existence d'autres mondes et de l'enfer qu'avaient connu nombre de Niphiens nés sous une mauvaise étoile. Fini le vaisseau mère pour Ormaïn. Il demanda à être affecté au sol, parmi les troupes, composées de Nikéens et de soldats bien vivants de l'OMPC, qui sillonnaient les environs des camps de son continent, aussi bien à la recherche des mercenaires en fuite, que des mystérieuses bêtes prédatrices, possiblement échappées des forteresses, malgré que les anciens résistants affirmaient ne jamais avoir vu une nouvelle espèce de gros animal hanter les forêts. Le danger étant grandement écarté, seuls quelques robots étaient restés sur place pour servir d'escorte, mais la grande majorité de leur effectif avait été envoyée sur le continent des Bolbolco. Zélé, une upléenne à la peau bleue parmi d'autres, aux côtés de Goba, avançait avec son groupe à la rencontre de sa première ville du continent Enrefe. Elle avait l'impression d'avoir pénétré le carnet de voyage et de vivre les écritures de la Rissée, leur pèlerinage en terre familière, où elles étaient si chaleureusement accueillies. L'architecture et le style des constructions que Zélé découvrait se retrouvaient dans les quelques illustrations croquées par Amir et Foa. Pour la première fois, Zélé découvrait une alternative à ce que la civilisation nifienne pouvait créer. En Ayo, elle avait découvert une culture alternative, mais pas une civilisation, le développement des Nifiens y étant brimé. Sur Upléas, les habitations étaient presque uniquement troglodytiques. La majeure partie de la population de la capitale vivait dans la faille Mzibokoé. Les Upléens venaient dans la capitale pour se divertir ou travailler. Ici, pas de maison creusée à même la roche. Le climat, plus frais et humide, n'imposait pas de fuir la chaleur vaille que vaille. Les villages étaient constitués de petites maisons accrochées à la pente des montagnes, avec des fenêtres au ras du sol et des portes inclinées. Les façades étaient toutes recouvertes de dessins dans des styles divers, selon les goûts des occupants. Les peintures représentaient aussi bien des natures mortes que des scènes de la vie quotidienne ou des animaux. Beaucoup de bol-bol-co, cela allait de soi. En comparaison avec le monde s'activant dans les rues, Zélé trouvait les maisons petites. Comment faut-il être tous logés? Et puis, lorsqu'elle passa pour la première fois une porte inclinée, elle comprit que cette civilisation avait des points communs avec les résistants. L'entrée était un accès à des niveaux souterrains creusés plus en profondeur du flanc de la montagne. La procédure des groupes émissaires était bien rodée. Plusieurs tactiques d'entrée en contact avaient précédemment été testées, et désormais, chacun suivait les mêmes règles. Un détail important avait été réalisé devant le fait accompli. Certes, les habitants de ce continent parlaient un vieil upléen, mais la prononciation était totalement différente, sifflante, proche de la langue d'Ormaïn. Les upléens étaient alors formés sur le tas, ceux à la peau bleue s'adaptant bien mieux à la nouvelle prononciation que leurs congénères non soumis au climat nikéen. Les Upléens marchaient en tête, les autres espèces galactiques en arrière. Les citoyens voyaient ainsi d'abord approcher des étrangers nifiens venant à leur rencontre, ouvraient le dialogue et prenaient ensuite connaissance de la présence d'autres créatures. Dans un premier temps, il fallait rester vague quant à leur origine. Les émissaires racontaient qu'ils venaient de très loin, sans plus de détails. Ils s'installaient quelques jours, le temps d'échanger sur l'art, en présentant des œuvres, puis d'introduire petit à petit des gadgets qu'ils transportaient pour attiser la curiosité de leurs hôtes et gagner leur confiance pour que leurs révélations sur l'univers et le comète fussent parfaitement acceptées, et non pas rejetées comme des élucubrations ou du blasphème. Pour convaincre les plus sceptiques, il était même question de leur montrer un point lumineux dans le ciel, la nuit, qui n'était pas une étoile mais un vaisseau, et celui-ci atterrissait quelques minutes plus tard. Les habitants se rendaient bien compte que cette étoile pointée dans le ciel était nouvelle, qu'ils ne l'avaient jamais vue. Et la voir grossir petit à petit et prendre la forme d'un appareil sophistiqué et vrombissant effaçait tout doute de leur esprit. Une fois que la confiance était établie, que les habitants acceptaient l'idée que ces visiteurs venaient d'autres mondes brillants dans la nuit, les émissaires leur parlaient de la situation des autres continents. Et c'était là que tout bloquait, sans exception. N'importe quelle créature, n'importe quelle technologie pouvait leur être présentée, ils l'acceptaient comme véridique, sans rechigner une fois que toutes les preuves étaient faites. Mais quand il s'agissait de bousculer leurs croyances sur leur propre monde, ils se montraient têtus et fermés. Il était impossible que d'autres terres émergées existassent, au-delà de l'océan. Il était impossible que Dieu laissât souffrir ainsi des serviteurs nifiens ou des bolbolco. Alors, les habitants se mettaient à considérer leurs visiteurs comme des incarnations envoyées par Dieu pour mettre à l'épreuve leur foi, et ils refusaient tout voyage pour les mener vers les lieux décrits, persuadés qu'ils seraient foudroyés sur place, ou commettraient le pire des péchés. Début de connexion. Salutations, émissaires de l'Est. Salutations, émissaires de l'Ouest, disait Léa Ormain. Où en est ton apprentissage de la prononciation du vieil uppléen, Zélé ? Grâce à mes cours de nikéen dispensés par un excellent professeur, j'ai réussi à me familiariser très vite à tout retenir, sans jamais utiliser mon implant, s'enorgueilla Zélé. Bravo ! Et comment se passent les prises de contact maintenant que tu es en mission ? Demanda Ormain. Plutôt bien, Ormain, même merveilleusement bien. Nous sommes très bien accueillis. Nous dialoguons facilement, ils sont curieux et généreux. Jusqu'à ce que nous leur parlions de la réalité de leur planète. À partir de là, ils rejettent tout en bloc. Je le savais en arrivant, les autres groupes, avant nous, ont expérimenté les mêmes réactions. Mais ça surprend. La technologie, l'astronomie, tous ces domaines complexes, ils les acceptent. Et dès qu'on bouscule leurs croyances, c'est fini. S'attrista Zélé. Un peu comme toi, Zélé, quand je te disais que je venais de Nikéas. Fit remarquer Ormain. Il y a de cela, oui. Mais au moins, je n'attendais qu'une preuve pour te croire. Nous leur avons montré des enregistrements, ils disent que ça ne peut pas venir de leur monde. Et si nous leur proposons de les y conduire, ils refusent. Car ce serait un blasphème que de traverser leur océan sacré. S'impatienta Zélé. On dirait que Xenia et Amoa étaient des esprits rebelles et que l'AC représente la majorité, dit Ormain. Oui, sans doute, il doit bien y avoir parmi eux quelques esprits prêts à nous croire, mais ils seraient rejetés et bannis à coup sûr, confia Zélé. Mais peut-être a-t-elle changé d'avis, ou serait prête à le faire, si elle lisait le carnet, proposa Ormain. Qui donc ? Demanda Zélé. Eh bien, Larissé, vous ne l'avez pas cherché ? S'étonna Ormain. Aussi stupide que cela va te sembler, non, Ormain. Nous ne disposons pas de beaucoup d'indices, nous ne savons pas de quelle contrée elle est, répondit Zélé. Nous avons déjà son nom et celui de son bolbolco. Nous pouvons déduire à peu près son âge, et nous savons qu'elle pratique la musique lyrique, commença Ormain. Tu as raison, nous allons partir à sa recherche. Oh oui, qu'elle nous aide à convaincre les siens. Merci, Ormain. S'enthousiasma Zélé. Il n'y a pas de quoi. Zélé, ne crois-tu pas que je devrais être là, quand vous la retrouverez ? Suggéra Ormain. Pourquoi ? Que veux-tu lui dire ? Demanda Zélé. Peut-être saura-t-elle, peut-être connaît-elle, enfin... Peut-être que Xenia est retournée là-bas, dit Ormain. Voyons, Ormain, c'est insensé, et tu le sais. Xenia le dit dans le carnet, elle voulait rentrer chez elle, s'exclama Ormain. Rentrer avec Karoa, elle ne l'aurait pas laissée dans les galeries avec les résistants et reprit le chemin de sa terre natale. C'est absurde. Ormain, elle a subi le même sort qu'Amoa, disait-les. Nous ne savons pas ce qui est arrivé à Amoa non plus. Amoa est aussi peut-être revenue chez elle. Dans le carnet, Xena dit bien qu'elle a été emmenée, et non pas tuée comme Carsium au petit frère chagrin. Elle a pu s'enfuir, et transporter deux enfants aurait été trop compliqué. Elle a peut-être dû choisir entre notre fille et Karoa, et... commença Ormain. Ormain, s'il te plaît, arrête. Tu te fais du mal pour rien, disait-les. Alors depuis le début, tu ne crois pas à ma quête? Tu penses que je pourchasse des fantômes? S'impatienta Ormain. Je t'ai pas dit cela. Là, tu penses qu'en trouvant Lassé, nous trouverons Xenia. C'est peu probable. Nous allons retrouver et rencontrer Larissé, et je lui demanderai si... Fin de connexion. Ormain avait interrompu la conversation, et Zéléry resta pensive. Elle espérait qu'elle ne l'avait pas blessé, qu'il était simplement vexé qu'elle ne soutint pas sa théorie. Zélé avait du mal à croire que la famille d'Ormain puisse encore être en vie. Et à vrai dire, elle ne préférait pas y penser. Elle tenait à se concentrer sur chaque étape, plutôt que de se disperser. Quand enfin Nikéas aura été libéré, et que la plupart des débats upléens auront été traités, alors une équipe de renseignement sillonnant les planètes non membres pourra être constituée pour rechercher les Nikéens vendus et les rapatrier. Un avis de recherche fut lancé pour trouver Larissé. Zélé regrettait qu'il n'y ait aucun portrait dans le carnet. Amir et Fohan n'avaient croqué que des paysages, ou les Bolbolco, une seule fois. Mais il y avait aussi Karoa, bébé, Niso Craig et petit frère chagrin. Avec les jours qui ponctuaient le récit, on estima les kilomètres parcourus entre le point de départ et la chaîne montagneuse nommée Chaîne de Dieu, et on déduisit que les recherches devaient s'effectuer dans les contrées limitrophes, à savoir fait le fort, fait le bel et fait le rapide. Le temps des investigations, Zélé quitta son groupe d'émissaires et retourna sur le vaisseau mère. Elle voulait rencontrer le décisionnaire Gisor au sujet des Bolbolco, si une piste pour leur retirer leur électrode était étudiée. Goba fut laissé sur place, il était entre de bonnes mains. Il la reverrait dans moins de 2 jours. Cela n'avait rien à voir avec le terrible abandon de plusieurs mois qu'elle lui avait infligé et qui l'avait tant fait maigrir de tristesse et d'incompréhension. Décisionnaire Gisor, pourquoi ne pas vouloir me dire où en sont les recherches? Tu le sais très bien, héritière Zélé. Décisionnaire Gisor, ce n'est pas de me révéler des informations classées top secret que je vous demande. Uniquement si elle y a espoir pour Yel. J'avais être rassurée. Savoir qu'elles seront sauvées. Gisor soupira. Il savait combien elle était obstinée et qu'elle était prête à le harceler au point qu'il en vint à demander son arrestation. Mais elle était trop utile. Et après tout, si l'OMPC était ici, c'était uniquement parce qu'Upléas en avait fait la requête. Cela n'avait pas vraiment de sens d'isoler celle qui devra bientôt arranger la réunification des deux mondes. C'est en bonne voie. Nous avons rapatrié quelques corps d'individus Bolbolco retrouvés morts. Le prototype va être testé dans un premier temps ainsi, puis sur un modèle de cerveau cultivé in vitro, pour s'assurer que seule l'électrode est touchée. Décisionnaire Gisor, merci infiniment. Zélé s'éloignait déjà, ne voulant pas l'accaparer davantage et consciente que le décisionnaire venait de faire preuve de beaucoup de compréhension et de compassion. Un instant, héritière Zélé. Je vais soumettre un vote à l'état-major pour te réintégrer. Décisionnaire Gisor, pas un seul moment je ne suis venue vous parler dans cette idée. Je le sais, simplement je pense que ton bannissement a suffisamment duré. Et c'est normal qu'à la victoire approchante, tu sois informé de toutes les décisions et que tu y prennes part. L'héritière ne put que le remercier une nouvelle fois et s'offrit une phase de sommeil dans sa cabine. Elle informa Ormain que Gisor lancerait un vote pour la réintégrer. Elle ne voulait en aucun cas l'influencer, même si le choix d'Ormain était évident. La conversation fut brève. Zélé sentit qu'il n'était pas vraiment d'humeur. Il avait tout de même fait l'effort de lui raconter les inspections des forteresses désertées et de l'absence de traces de la captivité d'êtres autres qu'unifiens dans les cellules. Et la déduction que les lieux étaient reliés, entre eux, à une sorte de quartier général dont ils ignoraient encore l'emplacement. À son réveil, Zélie regagna la Inrefe. Puisque Zélie voyageait avec Goba, elle n'avait pu faire partie d'une équipe à la recherche de Larissé. Alors, elle avait continué sa mission d'émissaire jusqu'à ce qu'on lui signalât que la pèlerine avait été retrouvée. Elle vivait dans une ville assez importante de la contrée de Felebel, qui avait déjà été visitée par des émissaires. Au moins, le temps des explications d'où venaient les visiteurs serait économisé. Les membres composant les groupes d'émissaires se relayaient lors des présentations et expositions de leurs origines pour éviter de trop se répéter. Prononcer sans cesse les mêmes mots était la partie la plus fastidieuse de leur mission. Zélie rencontra Larissé chez elle, une maison qu'elle habitait avec son mari et leur fillette. Elle était enceinte de son second enfant. Zélie et le couple étaient assis autour d'une table, le carnet posé à plat, fermé, entre eux. Zélie se doutait que revoir cet objet n'était pas anodin pour Larissé, et elle préféra attendre qu'elle parlât la première. Après un long temps de réflexion, tordant sa lèvre supérieure plusieurs fois, Larissé demanda à son mari de le laisser seul. Est-ce pour cela que vous venez à moi? Cet objet, histoire de mon humiliation, devrait me mener à rejeter ma foi et embrasser de notre monde votre impie vision, demanda Larissé. Écoutez, Lassé, peux-je ainsi vous appeler? Demanda Zélie. Seuls des proches se permettraient pareille approche, fit remarquer Larissé. Très bien, Larissé. Amirefoa et Xinolobia ont continué à relater leur voyage après que vous soyez séparés sur le rivage. Tout ce dont l'étranger vous a parlé à la crique, au sujet des terres, au-delà de l'océan, est véridique. Vos amis ont affronté l'inconnu, mais elles ont traversé et vu. Nous ne sommes pas très différentes, vous et moi. Un étranger m'a raconté des choses que je ne croyais pas. C'était un Ifien qui habite sur un autre continent. Il a réussi à se rendre jusqu'à mon paradis, et il m'a relaté l'enfer enduré par ses gens. Je n'ai jamais rejeté son récit, mais je ne pouvais pas concevoir que cela se passait sur le monde voisin. Moi, Upléenne, protégée de tous les déboires. J'apprenais que mon système n'était pas libre et serein, comme je l'avais toujours pensé, comme on me l'avait toujours raconté, expliqua Zélie. Où sont-elles à présent? Demanda Larissé. Je vois laisser le carnet un temps pour que vous le lisiez et appreniez par vous-même leur aventure. Et nous en reparlerions dans un jour futur, proposa Zélie. Cela ne m'intéresse pas, je ne le lirai pas, répondit sèchement Larissé. Larissé, je vous en prie. Vous avez écrit la première partie, vous les chérissiez tant. Elles étaient comme vos sœurs. Ne niez pas vos sentiments, vous ne pouvez les rayer de votre cœur, s'indigna Zélie. Larissé, qui jusqu'ici se tenait adossé à son fauteuil, le plus éloigné possible de son interlocutrice, les bras croisés au-dessus de son ventre rebondi, s'avança, presque penché sur la table, les mains à plat sur le rebord, fixant Zélie d'un air dur. Écoutez-moi bien, étrangère. Vous êtes ici sur nos terres. Nous vous avons accueillis avec grande hospitalité, malgré que vous n'ayez jamais été invité. Alors c'est à vous d'obéir à mon commandement, de quitter mon foyer et ma contrée sur le champ. Retournez sur votre monde et restez-y jusqu'à la tombe, s'énerva Larissé. Zélie ne s'était pas attendue à ce qu'elle s'énerva ainsi. Comment pouvait-elle ne pas être désireuse de lire le carnet et d'en apprendre sur le destin de ses sœurs de cœur? Il était évident, en tout cas, que ni Xenia ni Amoa n'étaient jamais revenus. Acceptant que ses amitiés passées n'étaient pas une corde sensible, Zélie fit un résumé de la situation. Si vous la permettez, j'avais vous informé sur le but de notre venue. Après, je disparaîtrai de votre vue. Comme vous l'a dit, vous êtes hospitalière et montrez les plus belles manières. À vous raisonner, il n'y aurait aucune hâte, si le temps, il ne fallait qu'on combatte. Jusqu'ici, pour une raison que nous ignorons encore, votre continent a été épargné de tout tort. Heureusement pour les autres et malheureusement pour vous ici. Les exploiteurs sont partis, et Nikéas devient vulnérable. État qui sera vite connu de toute la galaxie et suscitera la convoitise d'être peu appréciable. Si la planète n'est pas incluse dans la zone protégée du comète, d'ici 3 années universelles complètes, tout cela n'aura servi à rien, et nous défendre sera vain. Cela vaudra tout autant pour Eupléas que pour Nikéas. Ça en sera fini de tous les continents, dont le vôtre, hélas. Tenta de la raisonner Zélé. L'Apocalypse ne s'abattra que sur les mécréants. Dieu épargnera et protégera ses fidèles, comme mes gens. Fit remarquer Larissé. Zélé eut envie de lui crier « Il n'existe pas, Dieu ! Au mieux, ce n'est que de l'orage dans vos montagnes !» mais rassembla l'infime patience qu'il restait en elle pour répondre sur le ton le plus neutre possible avant de quitter la maison. Si voilà dite. L'expression de son visage en sortant de la maison ne nécessita pas d'être accompagnée de paroles pour que les émissaires qui l'attendaient comprissent que l'entrevue n'avait pas été fructueuse mais catastrophique. L'héritière se rendit à son auberge, où Goba était installé, dans une étable spacieuse avec 2 autres Bolbolco. Ils partirent tous les 2 en balade. Début de connexion. Ormaïn, nous avons retrouvé Larissé. Xenia n'est jamais revenue, j'en suis désolée. Ni à moi, disait-elle. Je n'y croyais pas plus qu'à une autre théorie. J'espérais un peu, c'est tout, confia Ormaïn. C'est tout naturel et je te comprends. Les explorations se déroulent-elles bien de ton côté? Faites-vous des découvertes intéressantes? Demanda Zélé. Nous avons trouvé le quartier général. Enfin, si on peut dire, l'endroit est désert. C'est une forteresse avec des douves et un pont-levis. Un endroit très étrange, qui ne ressemble pas aux autres. Et c'est à ça que sont connectées les forteresses de tous les secteurs. L'endroit est rempli d'Aldorions. Les anciens otages nous ont dit qu'ils servaient de messagers, et que certains s'étaient enfuis quand les mercenaires ont essayé de les tuer pour les manger, expliqua Ormaïn. Rubis sacré, et que l'histoire passe à la vitesse de la lumière, et que ces événements soient si loin que personne ne s'en souvienne, s'énerva Zélé. Tu souhaites notre mort, là, Zélé, non ? Plaisanta Ormaïn. Oui, presque. Qu'y a-t-il là-bas ? Enchaîna Zélé. À part des Aldorions dans tous les coins, rien. Des mécanismes poussiéreux, des pièces vides. Sauf une, il y a un énorme cylindre métallique, en plein milieu, dit Ormaïn. Et dedans ? Demanda Zélé. Le scanner n'a rien retourné. Et toi, la rencontre avec Larissé ? Ne s'est pas déroulé comme nous l'espérions, si j'interprète bien ton absence d'enthousiasme. Tu interprètes très bien, Ormaïn. Enfin, elle est comme elle est dans le carnet, et comme tous les autres, bornée et fermée. Elle n'a même pas voulu lire le carnet. Elle a quand même posé une question à leur sujet. Était-ce un moyen détourné de s'informer sans se trahir ? J'aurais peut-être dû le lui laisser, mais j'avais trop peur qu'elle le détruise. Peut-être l'aurait-elle lu, tout en prétendant le contraire. Mais elle aurait été capable de l'attraper et de le jeter au feu sous mes yeux, raconta Zélé. Ce qui veut dire que vous abandonnez les tentatives de dialogue ? Demanda Ormaïn. Oh non, mais elle ne nous aidera pas plus qu'un autre, alors on peut l'oublier. Le seul qu'elle aurait écouté, au moins d'une fente auditive, ça aurait été Karoa, je suppose. Mais évidemment, il est mort, dit Zélé. Peut-être l'aurait-elle écouté ou peut-être pas. Le décisionnaire Gisor a lancé le vote pour ton retour hier. J'ai voté pour toi, dit Ormaïn. J'en suis si touchée, Ormaïn. Il ne m'a pas contacté. Mon sort n'est pas encore scellé. J'en reviens au quartier général. Qui l'a trouvé et comment ? S'enquit Zélé. Quelqu'un de l'OMPC dans le genre de Zoku, en faisant des trucs techniques avec des appareils, tenta d'expliquer Ormaïn. Tu expliques si bien tout ce qui touche à la technologie, rigola Zélé. Tu as vu, je pense que mon avenir est dans ce filon, confia Ormaïn. J'en suis certaine. Peux-tu demander à Gisor d'envoyer l'expert technique ici? Tant que je n'ai pas rejoint l'état-major, je ne peux pas assigner de mission. Fin de connexion. Une idée venait de germer dans l'esprit de Zélé. Le continent Endreffet ne pouvait pas être connu des mercenaires. Sa population avait volontairement été laissée libre. Mais pourquoi ? D'une manière ou d'une autre, aussi bien l'activité des camps d'esclaves que celle des esclaves devait remonter à un gestionnaire principal. Peut-être s'était-il enfui dans l'encerclement de Nikéas par la flotte de l'OMPC, ou peut-être était-il terré quelque part. Dans tous les cas, Zélé supposait qu'il devait être installé là où il y avait le plus d'activité, à savoir les camps. Mais il fallait d'abord s'assurer que les élevages émettaient bien dans la direction du quartier général cité par Ormain, et qu'il en était de même pour le continent des fidèles.